Vous venez d'écouter I Was King du groupe One Ok Rock. Maintenant, je vous emmène à la découverte d'une ville japonaise, Kanazawa. Il m'est important de parler de cette ville qui noue une forte amitié avec Nancy depuis 50 ans. J'en veux pour preuve sa lanterne de pierre qui se trouve au jardin d'eau, à côté du canal. Alors, visitons-la ensemble et vous allez voir que la lanterne n'est pas le seul trésor de Kanazawa. À environ 2h30 de Tokyo en Shinkansen, Kanazawa se trouve sur la côte ouest du Japon, dans la préfecture d'Ishikawa. Kanazawa demeure une des plus grosses villes fortifiées du Japon et n'a subi aucune guerre pendant plus de 430 ans. La ville doit sa naissance grâce au clan Maeda, qui pendant le Japon féodal fut un des clans les plus puissants du territoire. Pour ceux qui aiment les visites, prenez tout d'abord un bol d'air frais au jardin Kenlokuen. De génération en génération, la famille Maeda n'a cessé de l'élargir pour en faire un des trois plus beaux jardins du Japon. Ainsi, vous pouvez admirer son bassin Kasumigaike, avec au bord de celui-ci, la fameuse lanterne de pierre. Le spectacle sera encore plus sublime, avec la beauté éphémère des pruniers et des sakuras au printemps, ou encore le manteau automnal des arbres en novembre. Après cette bouffée d'oxygène, faites un retour à l'époque féodale dans les quartiers des anciennes résidences de samouraïs de Nagamachi Bukei Yoshiki. Ce patrimoine bien conservé vous plongera dans l'ambiance du Japon de l'époque Edo. Pour ce qui est des traditions, le clan Maeda a permis le développement des arts comme la laque, le thé et surtout la feuille d'or, qui nous rappelle aussi celle qu'on peut trouver à la place Stanislas. La feuille d'or est un des trésors de la ville. Kanazawa en est même la principale productrice nationale. Si vous avez de la chance de visiter Kanazawa, vous trouverez dans ses rues des temples ou des statues ornées de cette feuille d'or. Mieux encore, certains artisans proposent des ateliers pour vous initier aux techniques de dorure. Pour environ 9,30€, vous pouvez appliquer cette technique fabriquée en laque. C'est un travail qui demande de la technique, de la précision et surtout de la délicatesse, car la feuille d'or, c'est quelque chose de très fragile et qui peut se casser très facilement si vous manipulez très mal la feuille d'or. Mais vous inquiétez pas, les artisans ne sont pas bien loin pour vous aider. Attention, il faut que vous réserviez à l'avance. Pour terminer cette journée à Kanazawa, offrez-vous un peu de douceur en goûtant à certaines sucreries, comme le koicha, qui est une fine couche de crème de thé vert en sandwich entre deux biscuits croquants. Plus original encore, rafraîchissez-vous avec une glace à la feuille d'or de Hakuichi, une crème glacée enrobée de feuilles d'or. Oui, oui, vous avez bien compris, une crème glacée enrobée de feuilles d'or. Alors tout simplement, vous attendez que la feuille d'or fonde au soleil pour pouvoir manger votre crème glacée tranquillement. Plus de Japon sur la lanterne des otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet.

Vous venez d'écouter Music du groupe AAA. Place maintenant à l'univers culture pop, en commençant par mon manga de coup de cœur. L'heureux élu aujourd'hui est un one-shot écrit par Shindo, mangaka française et traductrice de manga best-seller. Avant de parler du manga, il est important de parler de son auteur. Depuis une vingtaine d'années, Shindo, ou de son prénom Fédois, travaille sur plusieurs mangas comme Dragon Ball ou Jujutsu Kaisen, comme je l'ai rappelé en introduction tout à l'heure. Son métier de traductrice l'amène à collaborer avec Kihun, Kaze, Glénat et d'autres maisons d'édition. Depuis 2002, et en parallèle avec son travail, elle avait en tête un scénario et a fini par sortir en 2022, Pilgrim. Pilgrim, c'est un one-shot qui va vous amener à la rencontre d'un jeune garçon nommé Xenos. Alors qu'il est orphelin, il se retrouve débarqué en Hellas, un pays qui fut en guerre avec son pays d'origine, l'Anatolie. Seulement, en raison de ce passé, il sera considéré comme un ennemi. On le reconnaît facilement puisqu'il a les yeux dorés et les pupilles fendues. Dans son pays d'accueil, c'est le chef de l'État qui le recueille et va lui proposer de devenir un Myst, qui est un prêtre qui a des pouvoirs magiques. Alors moi, j'ai la qualité du dessin, je l'ai trouvé très agréable à l'œil. Le texte est très bien écrit et se lit très facilement. Ce qui me séduit le plus, c'est le fait de trouver une inspiration via la mythologie grecque pour créer un monde nouveau avec des pays fictifs et des dieux d'une mythologie fictive. Pour ceux qui s'attendent à un one-shot avec les dieux de la mythologie grecque, vous serez très déçus puisque Pilgrim est un manga qui repose sur un monde totalement fictif. Et c'est tout à l'honneur de sa mangaka. Pilgrim a rencontré son public, hein, puisqu'il s'est vendu à 1300 exemplaires. Donc si vous aussi, vous voulez suivre les aventures de Xenos, rendez-vous sur le site d'Aerilas Manga pour le lire gratuitement en ligne ou l'acheter via la boutique du site en version papier. Plus de pop culture, c'est la lanterne des otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Chasing, chasing, going on. C'était Masayume Shading de la chanteuse Boa. C'est une chanson qu'on peut écouter notamment dans l'opening, un des openings de Fairy Tail. Au niveau des sorties manga de ce mois-ci, donc ce mois s'inscrit dans la continuité avec la sortie du tome 38 de My Hero Academia le 1er février. Un second plat de résistance le 7 février avec le tome 21 de Dragon Ball Super. Le même jour, The Grace of Gods continue sa lancée avec le tome 8 et ses fameux slimes. Rendez-vous ensuite avec la magie le 21 février pour célébrer le 18e tome de Mashal. Côté convention, un rendez-vous à ne surtout pas manquer avec la Game Fest, qui est le salon pop culture qui aura lieu les 10 et 11 février au parc des expositions de Vendôme-les-Nancy. Plusieurs invités de marque seront présents, dont un acteur de la saga Harry Potter, Devon Murray, qui a joué Seamus. Seamus qui était un élève de la maison Gryffondor. Ensuite, vous aurez deux comédiens de doublage qui sont des habitués des conventions, avec Dorothée Pousseau qui a prêté sa voix dans Overwatch, le jeu vidéo. Elle sera accompagnée de Donald Renew, illustre voix de française de Titeuf. Enfin, les fans de Pokémon pourront chanter le générique de la toute première saison avec son interprète Jean-Marc Anthony Cabella. Enfin, pour nos amis vosgiens, vous avez la convention Spinatory qui se tiendra les 24 et 25 février au centre congrès d'Épinal, avec pour invités les voix françaises d'Harry Potter, Drago Malfoy et de Ginny Weasley. Les autres invités doivent être encore annoncés, donc tenez-vous informés sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de la convention. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fat Jet. Sous-titrage Société Radio-Canada.